mauvaise. Yeah, Wally Gray, Big Mac, au Big West Nas, dealer. Est-ce que tu connais Bad Mélodique? C'est la nôtre, celle qui fout la honte aux vrais bandits. C'est Bad Mélodique, la tienne, la seule qui arrive à te faire taire quand tu cries. C'est sur toi que je chante cette terre aujourd'hui. C'est sur toi que je pose ma tête dans le ghetto cri. Je crois que je deviens comme Baudrillard, hein. Et je me souviens de cette mélodie depuis petit, hein. Bad Mélodique, tu me hantes. Et c'est pour toi que sur cette mélodie je chante. Non, je n'étais pas oublié. La rue nous a trop séparés. Nos vies auparavant étaient liées. Et la délinquance nous a condamnés. Non, je n'étais pas oublié. Non, je n'étais pas et oublié. Et je me sentais derrière de toi. Et je te sens éloigné de moi. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La vie n'est plus la même qu'autrefois. Et je me sens égaré. Ton visage s'assombrit depuis que mes poils ont poussé. Un pierre quand je l'étais sur ton visage des yeux brillaient. Tu voulais à tout prix que tes principes je suis. La rue a fait de moi ce que je suis. C'est 50% d'éducation et le reste de mal je suis. C'est genre le ying et le yang. Ma famille et mon gang. M.O.G face à Mori. J'étais même dans mes mots. Mo où est passé le baby Diaramo. Mais c'est trop tôt qu'on m'imposait ce G. Des fois par moi je ne pensais qu'à moi. Des fois par moi je ne pensais qu'à ma caméra. Je pouvais écouter mes proches. Non, en fait je les mettais de côté. J'avais une deuxième famille proche. Mes potes les étaient. Moi j'étais quoi. Une fusil à son drap. Une chenille quand elle ne mouille pas. La feuille sans Yaska tu vois. Tu vois. Je ne voyais que le diable. Et tu me voyais pas bandit. Un jour je jouais au bac à sable dans les rues de Trini. Et je te sens éloigné. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La vie n'est plus la même qu'autre. Et je me sens égaré de toi. Et je te sens éloigné de moi. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La rue m'appelle de toi, tu ne comprends pas. Et je me sens égaré de toi. Et je te sens éloigné de moi. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La vie n'est plus la même qu'autre. Et je me sens égaré. On nous a supplié de rester sérieux, sentimentaux, dans nos textes, et francs, dans nos parler, intelligents, dans nos gestes, exigeants, dans notre façon de rapper, mais dur, dur, dur pour des mecs de cité. Et si c'est pour parler, des gens de gestes, je vais insister pour qu'elles sachent que dans mon esprit, elles vont rester, rester. Ouais, c'est pas mélodie qui remplit nos esprits, c'est la nôtre, celle qui fout la honte aux vrais bandits. Et je me sens égaré de toi, et je te sens éloigné de moi. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La vie n'est plus la même qu'autre. Et je me sens égaré de toi. Et je te sens éloigné de moi. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La rue m'appelle de toi, tu ne comprends pas. Et je me sens égaré de toi. Et je te sens éloigné de moi. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La vie n'est plus la même qu'autre. Et je me sens égaré de toi. Et je te sens éloigné de moi. Quand je pense à ma vie, pense à mes nuits. La rue m'appelle de toi, tu ne comprends pas.